chemin de la vie. Un homme ramasse une fleur. Une fleur qui parlait. Oh, quel mystère. Et lui avait dit. Oh, mon ami, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Petite fleur de ma vie, ne m'abandonne pas, c'est mon appel de vie. te donne du boulot. Tu gênes, tu pries à genoux pour que les dieux du ciel puissent te bénir. Et en te bénissant, tu as oublié de payer même ta dîme. Nengita be yo yo, walu mwana wa mwana.